Narcose, freestyle, ça vient d'Albi, Toulouse, Carmon, Nanterre, Montpellier. Ça c'est du hip-hop unité. J'suis à la recherche d'un mécène, pas d'un crevard qui voudra me lâcher que des scènes. De mon côté, j'suis mécène, jamais à court de texte, j'en ai des dizaines. T'as reconnu l'accent de la capitale, si tu kiffes, monte le son dans la bisaxe. Sinon, reste tranquille ou tu finis à l'hôpital. Toujours efficace, j'suis l'attaquant de pointe et ski. Vends les tacles, rien à foutre de la flamme, j'te l'ai déjà dit. J'retourne pas ma veste, même s'il faut remplir le caddie. Contrairement à d'autres, reste le même que jadis. J'ouvrirai ma gueule, même seul face à 10. Beaucoup de jaloux ont voulu que j'abdique. Toutes ces catins face à moi se syndiquent. Dégoûté que de mon son, beaucoup soient addicts. Car je rappe les émotions que mon cœur me dicte. C'est un truc de dingue, un son pour les gosses de boss. T'assimes pour Narcos, t'attends ce clip pour mes Blackos. Blackos, 8, 1, 3, 1, c'est la même. Dans l'excès, bang, tire, chaud quand il faut saigner. Contre Acostil, j'investis la reine. Pièce maîtresse du système, t'assimes sans geste obscène. Kick, kick, à l'ancienne, t'attends ce clip. C'est la terre haute que les gosses de boss dans ma team. Juste le beat, juste le beat, voir que tu mets les warnings. 8, 1, c'est la même de la place du Vigan au Mirai. Ça bise, bise, cotise dans le game pendant que tu me chauffes. T'assimes signe dans la tempe, déguste mon thème comme un bon creux, c'est des face to face. Ma shop dans la rime, ta cime abîme, élève la voix de la tête. C'est un truc dingue, un son pour les gosses de boss. Gâte le coin, assassine quand il faut sort le matos. Ok, je viens me présenter, c'est SIS pour ces gars, je représente ça. C'est 8-1-4-0-0. Mec, j'ai pas foutu ma cagoule, je viens juste poser sur le beat. J'en pose une pour ma troupe, je gratte mon peura, même si je vois trouble. Cisco, Mike, non, crois pas que j'ai le track, je viens seulement faire mon combat. Trentaine dans 100, 80. Dans son, tu sais, je représente ça 100%. C'est pour les tiens, c'est pour les miens, c'est pour mes mains. Et j'oublie pas ceux qui s'aiment. Right from the start, I guess I had nothing to choose. Also nothing to lose, so I had nothing to prove. A taste of my lyrics, a taste of death. The rap music, when I hear it, I lose my breath. I let it all loose, like a happy trigger wigger. I only get happy on that hard liquor. I'm the role figure, try to figure me out. Coward ass G's die old and loud. The good die young, that's why I wanted to die. Knife in my hand, already picture that white light. But the sound still plays and my head still spins. I guess only the real brothers know how to win. Mais ma M à haut là-haut, néanmoins on est moi. Je veux pas la voir tomber à l'eau ou devoir me voiler la voix. Je me démène depuis marmot, j'amène ma zik à moi dans ce domaine. J'ai pas les mots mais je vais tout dévoiler, voilà. Il m'étend tellement temps et tant entêté. J'ai tenté de m'étendre tout en restant entier. Pour qu'on m'entende, attendez. T'entends d'été quand t'es dans que ça détend de scander, c'est strike. J'arrive pas fort et je suis de retour dans mon parcours. Je fais un détour, je tombe un rapport, je monte dans les tours et je ralentis si faut nez tour. Je suis tourmenté, tout remonte à la surface, ça se voit sur ma face. Longtemps que j'ai pas touché au rap, la sortie de route m'attend si je dérape. Certains zappent des panneaux, font des refus de priorité. A priori, t'es obligé de montrer ta supériorité. Pied au plancher, non, je suis pas là pour les imiter. Régulateur enclenché, je sais que ma vitesse est limitée. Mais la patte feu rouge au boulevard du rap, donc j'avance car c'est vert. Écoute-moi. Moi c'est vert, que je viens de balancer de manière sévère. Je monte en puissance, pas besoin d'escabeau. Je te laisse KO, Z2S, tout comme un CZS. On a sous le capot. Ok maintenant, c'est LERAC qui s'empare du MIC. Représente la galère, car on a pu connaître. Même si on a pu naître, du bon côté de la planète. Des gars pas nets, à 100% on se donne. Au microphone, deviens pas fond, c'est la dream team. Je balance mes rimes, j'arrive sur le beat très vite. Soldat d'élite, donc évite de test SUD. Assuré de perdre, tu vas l'être, mat les maîtres, pas les traîtres. Partout où j'ai zoné, on a tenté de me raisonner. Ça rêve de thunes comme un Arizona. Tous des zonards, connards, ça traîne le soir. Plein de désespoir, mais avec j'aime la marche marine. Pour éviter le beurre, achète la margarine. Mon fond marque marine et l'art m'arrive. Faire péter tous les alentours rappés. J'ai le talent pour moi. C'est hip hop à la vie, à l'amour. Tu dis être le best, mais ton style à quoi? D'élévateur, t'es nul à chier à leur fil. Squat et water, inapte. Du rap est un souverain qui okay. Se croit ses souterrains, qui n'a pas vu le max ouvert. On veut être libre, ouais, vivre de nos rêves. Ça se voit pas sur nos visages, mais ça se lit sur nos lèvres. On veut la paix, car c'est nos frères qui font la guerre. Quand je m'exprime, je me sens vivre, et dis-moi qui me fera taire. On veut le respect, car sans ça, rien n'avance. On a de la richesse dans nos mots, pourtant nos cœurs font la manche. On veut de l'amour, même s'il y a de la haine dans nos regards. On voudrait juste stopper le temps, histoire de rattraper le retard. Détends l'atmosphère. Pose le flow façon killer. Le blow dans les poumons, le poumon te relâche tes capillaires. Le cou courbé comme un vautour, les coucous tremblent et ça tourmente. L'instrumental n'était pas au courant pour la tournante. Pour pousse le volume, ouvre les enceintes, écoute le son de près. Nivec le bec et sec représente le 3-7 degrés. Ma Gestapo te prend en guet-apens, il laisse ta peau. C'est peut-être agent, mais le seul gagnant, ça sera Bouscapé. Dans mon turf, la planche de surf, c'est les coraux. La matière grise dans la chepeau pour les mecs qui ne pensent qu'en euros. J'suis médium, sur l'avenir, combien tu paries? Tu seras un bon MC quand les poules auront des caries. AMRIM au microphone, mais méconnu, reconnu, inconnu, j'm'en bats les couilles. J'évolue, évolue sans ne tuer vers la débrouille. Ziggy ziggy zang zang, c'est toujours le même zang. Ziggy ziggy zang zang, pas besoin de flingue, flingue. Mes micros sont des munitions, c'est pour infliger des punitions. Alors accepte la défaite, ne parle pas mal des blancs en prêt. Combination 3492 AMRIM, Narcos 2007, Nanterre, Montpellier. Gangsta, Gaouli et Bilkada. H2E. Que le rap s'élève et gloire à ses élèves plus qu'à ses élites. On fait des vers comme les pavés cassent des vides. On crache une salive corrosive et elle a beau couler à flot. On observe encore ici les mêmes coups d'Aphrodite, l'air hors de feu. J'finis ainsi parce que la domination est finie ancienne. Et qu'on n'en serait pas là si notre misère n'était que financière. Donc si à représenter un sud, c'est celui à l'échelle planétaire. Aussi sûr qu'on pourra plaisanter quand ceux d'au-dessus seront pleins à terre. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.